Le temps de veille de Violaine Schwartz. Le bain, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. Épisode 2. Il est 7 heures, j'ai 14 ans. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodia Beta. Comment elle s'appelle, vous dites ? Mardi, mercredi. Colette Mani ? 4h12. Je ne connais pas. Moi, c'était plutôt l'autre Atlantique, vous voyez. Jean Vincent, Villalet, Elvis, Johnny, tout cela. C'était ça, nos idoles. Et puis, je n'ai pas travaillé à la Rodia. C'était surtout des hommes là-bas. Moi, j'étais chez Veille. Veille avec un seul L. Non, parce qu'il ne faut pas confondre avec le Veille de Paris qu'à deux L. C'est pas la même chose. Nous, on n'était pas une marque. On travaillait à façon pour Ted Lapidus, pour Guy Laroche, pour du bas de gamme aussi, je me souviens plus. J'ai travaillé là-bas de 58 à 66. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Ma mère a jamais travaillé, donc c'est moi qui ai assuré. J'avais pas le choix. Au début, on m'a mise au pantalon. C'était comme ça, on commençait toujours par les pantalons. T'as salopé tout ça, tu recommences immédiatement, qu'elle disait la visiteuse. La visiteuse, c'était celle qui contrôlait le pantalon de A à Z pour voir si c'était bien fait. Il y avait la lanceuse qui appuyait sur le bouton pour démarrer la chaîne, la visiteuse qui vérifiait le boulot et la chronométreuse qui surveillait le temps. Ah mais sinon les chefs, c'était que des hommes. Les grands patrons, Monsieur Bernard, Monsieur Albert, ils n'étaient pas mauvais. Le problème, c'était les chefs d'atelier. Il y en avait un qui braillait en permanence, je me souviens plus de son nom, mais quel gueuleur! Ils nous traitaient comme des moins que rien. Ils employaient le tu tout le temps. J'ai même vu quelqu'un se faire gifler. Ouais. Ils avaient encore ces droits-là. Mais bon, on sortait de l'école. Ça nous choquait pas vraiment. Puis on n'osait pas trop se rebeller parce que les parents, ils étaient du côté des patrons. Donc on disait rien. On s'accrochait à nos idoles. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens d'un soir de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir. Tu viens griller une sèche avec moi? T'as vu Johnny? Il s'est fait détrôner au huit parades. T'as fait quoi samedi soir? À chaque pause, on se retrouvait dans l'escalier. Oh, il n'y en avait pas 36. Il y en avait une le matin et une l'après-midi. C'était important, l'escalier. Le matin, c'était la cohue là-dedans. Fallait surtout pas arriver en retard. Le concierge faisait l'appel, il appelait chaque numéro, parce qu'on avait des numéros. Moi, j'étais le numéro 1869. 1869 ! 1869. On commençait à 7 heures le matin. La pointée, c'était 7 heures. Si vous pointiez et puis qu'il était 7h01, il vous faisait sauter le quart d'heure. Alors moi, je refusais de travailler à l'œil, donc j'attendais 7h15 pour m'y mettre. Ça faisait des histoires parce que c'était mécanisé, les boîtes s'entassaient, donc on ne pouvait pas s'arrêter toute seule dans son coin. Là, on ne pouvait pas. On dépendait les unes des autres. Il fallait tout le temps se dépêcher. Une fois, il y a eu un ordre de grève par rapport aux cadences. On en avait marre. Le patron, M. Bernard, il a fait irruption dans l'atelier 5 minutes avant la grève. Ça, c'était le coup classique. Il disait rien. Il passait seulement. Du coup, on était 3 à partir sur 50. Personne n'a suivi. Le lendemain, j'ai été convoqué par M. Bernard. Il m'a dit, « Mademoiselle, je comprends votre geste. Vous avez perdu votre père très jeune. » Aïe, aïe, aïe. Alors ça, fallait surtout pas me dire ça. Surtout pas! Ça m'a mise par terre, j'aurais préféré qu'il m'engueule. Mais non. Ouais, ils savaient nous tenir, les patrons. Il nous attrapait par les sentiments. Il nous faisait un sapin pour Noël. Avec un petit goûter, on avait des cadeaux pour les mariages, pour les naissances, pour les décès. Un service de table, une couverture, un petit panier. Et puis on avait le droit d'aller acheter des vêtements à Saint-Claude, dans les stocks, à moitié prix. Mais moi, j'y suis jamais allé parce que je pensais que travailler là-bas, ça suffisait. C'était pas la peine de me retrouver avec un truc sur le dos qui me rappelle le boulot. Ah non, alors. Leur donner mon argent? Surtout pas. 1869. Tu parles d'une adolescence. On se disait, c'est pas ça la vie. C'est juste pour un temps. Parce que ce n'est pas notre objectif de finir là. Moi, j'espérais qu'avec l'argent gagné, je pourrais retourner à l'école, faire des cours pour être journaliste, peut-être. Bon, peut-être pas journaliste, peut-être moins. Mais enfin, avoir la possibilité de faire autre chose. Voir du pays. Découvrir le monde. Mais je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que, d'une part, on gagnait pas grand-chose et puis d'autre part, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'il y a maintenant de faire des cours à côté. Il n'y avait rien du tout. Et puis, je devais donner l'argent à ma mère. Donc, je pouvais pas. Je pouvais pas. Quand j'ai pris conscience de ça, il y a quelque chose qui s'est brisé. J'étais plus là pour la même chose, voyez. J'étais juste là pour bouffer, hein, pour parler franchement. Et là, on travaille plus du tout dans le même objectif parce qu'on n'a plus d'espoir. On se dit que c'est pour toujours et que ça sert à rien. Je suis parti en 66. Je suis allé chez Kelton. Maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Ils ont rasé chez Veil. Ils ont rasé chez Lip. Ils ont rasé Kelton. Ils vont bientôt raser la Rodia. Ça fait bizarre. C'est comme si on n'avait pas existé. On vit dans une époque où il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a que des magasins. Souvenir, souvenir. Je vous retrouve dans mon cœur. Le temps de veille, de Violaine Schwartz. Et vous faites refleurir. Avec Martine Chambachère. Dans mes rêves de bonheur. Bruitage, Sophie Bissantz. Souvenir, souvenir. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Je me souviens de nos cadences. Prise de son, montage et mixage, Delphine Baudet, Yannick Magnien, François Rivalan. Et les espoirs de nos 20 ans. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Pablo Valero. Réalisation, Laure Egoroff. Pa-pa-da-pa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da